Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. La courte échelle, destination Québec. Bienvenue à toutes et à tous pour cette courte échelle, un nouveau numéro qui vous emmène voyager aujourd'hui sur la scène indépendante québécoise. L'émission va démarrer avec un chanteur qui s'appelle Binette. Il est originaire du quartier Saint-Michel à Montréal. Sa famille s'agrandissant ensuite, ses parents ont décidé d'aller s'installer en banlieue nord de Montréal à Mascouche. Le voici Binette avec une de ses dernières productions en date. Ben voyons donc. Beaucoup l'appellent le Gentleman Country, c'est Jacques Mélenchon. Jacques Mélenchon est originaire de Longueuil, situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, face à Montréal. Chacun reprend sa vie, c'est le titre qu'il nous interprète tout de suite. Son père, moi je m'en vais chez moi. ça. J'aurais dû écouter les conseils de ma mère quand elle disait Tigor, t'es trop vite en affaire. J'ai tout essayé, mais il n'y a plus rien à faire. Elle retourne chez son père, moi je m'en vais chez ma mère. Fini les niaiseries, chacun reprend sa vie. Ça y est, c'est terminé, j'ai pacté mes affaires. J'ai tout essayé, mais il n'y a plus rien à faire. Chacun reprend sa vie. Fini les niaiseries, chacun reprend sa vie. Vous écoutez La Courte Échelle, destination Québec, et nous voici à 900 km de Montréal, exactement à Sept-Îles, et c'est là qu'est né Stéphane Corrad. Une aventure avec toi. Demain, crois-moi, j'aimerais que tu sois. sois toujours là. Tu dis m'aimer vraiment, mais dis-moi pour combien de temps. Demain, crois-moi, j'aimerais que tu sois toujours là. J'aimerais que tu sois toujours là. C'est Dorwine Noranda qui est originaire maintenant Charlebois et depuis elle voyage à travers le Québec avec sa tante Roulotte. J'ai ma tante Lisanne, ma tante Michel, et si la neige peut fondre, j'aurai aussi ma tante Roulotte. Je vais pas perdre une seconde. Chaque semaine, découvrez dans la courte échelle le meilleur de la scène indépendante. Vous écoutez la courte échelle Destination Québec dans cette émission mensuelle qui vous fait balader à travers les talents de la scène indépendante québécoise. Avec Cheval Fou, le rocker country de Dolbo Mizzassini, Danny Sauvageau offre une première chanson à se mettre sous la dent avant la sortie de son troisième album. Sur un pitou qui me fait prendre toute qu'une chevauchée. Il a pris le mort aux danses, pas parce que je l'ai décidé. Il connaît tous mes péchés, devine ma nature sauvage. L'aurais-je piqué comme une guêpe pour le mettre dans cet état de rage? J'ai croisé sur mon chemin de bons humains, droits et gentils, qui ont tendu de douces mains pour freiner mon jolly. Non, ce n'est pas que je m'en plains, c'est sa fougue qui me nourrit. J'ai rien que le sentiment parfois de pas tenir les rênes de ma vie. Assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou. Mon infatigable poulain galope sans vouloir s'arrêter, courant d'immense vers le ravin. Je sais comment ça va se terminer. J'ai croisé sur mon chemin quelques anges qui m'ont souri, je leur ai renvoyé la main comme si ma course était finie. Assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou, assis sur un cheval fou. L'artiste folkloriste, humoriste et animateur de la rive sud de Montréal, Émeric Côté, qui est surnommé Petit Gros Bison, est particulièrement reconnu pour son franc-parler et son talent de conteur. Le voici avec Yatsé Matin. Yatsé Matin, un peu fragile ou t'es fébrile. Tu veux pas t'élever, t'as juste envie de rester couché. Tu te fais couler un bain pour oublier tout ton chagrin. Quand on se lève du mauvais pied, c'est normal de chicaner. C'est pas parce qu'un matin on s'est pogné qu'on va tout abandonner. Tape ses fesses sur un bec dans le fond, on continue d'avancer. T'as une tête de cochon, pis moi je pense que j'ai raison. Mais là je te demande pardon, embrasse-moi. Bon retour. Maison, tes parents, ton ex, la pension, le chômage, puis l'arrière-âge, ça te tente pas de pelleter d'un humain. C'est pas après toi que je suis fâché, c'est d'après la situation. Même si t'as les cheveux mêlés, je te trouve belle de toute façon. C'est pas parce qu'un matin on s'est pogné qu'on va tout abandonner. T'as ses fesses un bec dans le fond, on continue d'avancer. Dans une tête de cochon, que j'ai raison, mais là je te demande pardon, embrasse-moi, puis on retourne à la maison. Ailleurs de ce matin, où tout est gris, t'as le goût de rien. Ou même l'odeur de café te donne pas le goût de te réveiller. T'as mal à la tête pis t'as l'air bête. Tu baisses la fenêtre pour mieux paraître, pour affronter la journée. Même si y a mal commencé, ah, je vois pas le bout pis je doute de tout. Au prix que ça coûte, tu m'as fait banqueroute. Pis là de savoir que t'es fâché, c'est juste une autre couche qui s'ajoute. Ferme tes yeux, viens dans mes bras. C'est juste une pause pis je t'en veux pas. Ça fait longtemps que j'ai compris que notre amour a aucun prix. C'est pas parce qu'un matin on s'est pogné qu'on va tout abandonner. Tape ses fesses un bec dans le fond, mais on continue d'avancer. T'as une tête de cochon, pis moi je pense que j'ai raison. Mais là je te demande pardon. Direction la région de la Chaudière-Appalaches, juste en face de Québec, à Lévis plus précisément, pour y retrouver Nikita Mathieu Champagne, barman, sers-moi un verre. moi un verre pour m'aider à penser à travers. Pour m'aider à penser à travers. Pour m'aider à penser à travers. Ce soir, ma vie est démolie. Donne-moi la force d'y faire, d'oublier toutes mes misères. Et que demain, tout ira bien. Et que demain, elle est direction 130 km à l'est de Montréal, à Sherbrooke, pour y retrouver Luis Clavis avec grande faim. Tu regrettes ces promesses.

mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place ou qu'importe l'endroit. Prends tes clics et tes claques, tes rêves et ta vie. Dépends tes tabernacles et ta langue d'ici. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Il est vrai que par nature, beaucoup d'artistes québécois sont très attachés à la musique country. Néanmoins, certains ne se laissent pas enfermer dans un style spécifique, comme c'est le cas par exemple pour Guy Brière, qui nous emmène en Mauricie avec Les Mauvaises Herbes. Partout, y a rien à faire. Ça pousse partout, c'est pas beau à voir. Ça traîne d'un rue, ça traîne d'un bord. Y en a partout, un vrai cauchemar. Ça s'enracine dans la terre noire, dans le béton armé, tout près de l'enfer. Ça nous fascine, c'est comme la peste. Elle nous envahit, elle nous empeste. Les mauvaises herbes nous influencent. Les mauvaises herbes sont pas toujours celles qu'on pense. S'en prennent parfois aux âmes perdues. Leur colle dessus de vraies sangsues. Leur vide le cœur et vide leur poche. Les assèche comme de la roche. Y en a certaines qui vous dérangent, car elles disent franchement ce qu'elles pensent. Les mauvaises herbes ont des grandes gueules. Au jour le jour, elles font ce qu'elles veulent. Les mauvaises herbes nous influencent. Les mauvaises herbes sont pas toujours celles qu'on pense. Les mauvaises herbes fleurissent parfois. Les mauvaises herbes sont pas toujours celles qu'on voit. Mal des apparences, apprécie grandement la direction Val-de-Source, dans la région de l'Estrie, le long de la frontière avec les États-Unis, pour y retrouver Manon Grenier. Seras-tu là demain ? Direction Québec pour y retrouver Sergio Huelle et Juliane. L'amour y est aride, il est souvent rude, comme un mirage entre les dunes. Tu apparais dans ma solitude, calmant les larmes qui coulent sur mes rides. Oh, jolie âme, oh, Jolia. Oh Jolia. Oh Jolia. Seuls tes yeux me voient comme je suis vraiment. Seuls tes yeux me voient comme je suis vraiment. Seuls tes yeux me voient comme je suis vraiment. Direction la région du Centre-Québec à Drummondville pour terminer cette émission et y retrouver Steve Veilleux. Laisse-moi pas boire tout seul. Laisse-moi pas boire tout seul. J'entendrai à l'eau. Laisse-moi pas sur le seuil. La peau chaude, où l'eau j'ai besoin que tu me gardes à l'œil. Tapis de feuilles mortes, novembre. Le cœur alors reculé. Le ciel chargé de silence. Le regard figé sur l'anse. Reflet de mer noire, café. Je n'ai rien d'autre à faire que de penser à boire. Au lieu de prendre des nouvelles, je prends la bouteille, j'ai tout un monde à noyer. Et puisque la vérité est si laide, ce soir je l'envahirai. Laisse-moi pas boire tout seul, j'entomberai à l'eau. Laisse-moi pas sur le seuil, la bouche au goulot, j'ai besoin que tu me gardes l'œil. Jappement de chien, porte close. Rumeur d'hiver à mes pieds. Les jours sont courts et l'amour s'amuse à faire demi-tour. Comme dans les chansons country. Je n'ai rien d'autre à faire que de continuer à boire. J'ai perdu mille amitiés à coups de rêves effrontés, de grandes et petites tournées. Et puisque la vérité est si laide, ce soir je l'envahirai. Laisse-moi pas boire tout seul. C'est ici que se termine cette émission, cette courte échelle à destination Québec. J'espère que tout le monde y a trouvé son compte. La scène indépendante québécoise fourmille de talent. On se donne rendez-vous bientôt pour en retrouver d'autres si vous le voulez bien. En attendant, soyez heureux. Et puisque la vérité est si laine, ce soir je l'emballerai. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Ouais, yes. Prépare-toi, mon pote.